Troisième tableau. Bien que le règlement intérieur portât « Les bureaux de la direction seront ouverts de 11h à 4h », il était rare que M. de la Hourmerie ne s'attardât pas à la besogne jusqu'à 6 et 7 heures du soir. De là, l'hiver, une consommation de pétrole et de coke, bien faite pour navrer le chef du matériel, le parcimonieux M. Bourdon, qui s'en lamentait en effet, regardait avec des révoltes contenues, filées en une saison, entre les mains de son collègue, les économies d'une année laborieusement réalisées sur tout le reste du personnel. Si bien qu'entre ces deux messieurs, animés de zèles égaux, mais agissant en sens contraire, les relations s'étaient tendues, puis aigries, et qu'ils en étaient venus à ne plus se parler ni même saluer lorsqu'ils se rencontraient, s'entretenant par lettres cérémonieuses et sèches des intérêts communs de l'administration. Bourdon traitait la Hourmerie de paperassier et de gaspilleur, et la Hourmerie, de son côté, appelait son collègue M. l'épicier, par allusion à la ficelle et aux bougies dont le chef du matériel était le grand répartiteur, et ses grotesques inimitiés faisaient suer la riée à grosses gouttes. Donc, ce jour-là, comme de coutume, M. de la Hourmerie travaillait encore, bien qu'il fût près de 5h30. Il venait d'allumer sa lampe et, sous le coup de clarté de l'abat-jour, il révisait les rédactions de Chavarax avant de les envoyer au visa d'approbation du directeur. C'était pour lui l'heure vraiment douce de la journée, où se pouvait gaver et délecter tout à l'aise de belles proses administratives ses instincts de ronde-cuir endurcis. À lire les phrases de Chavarax hérissées d'âpres lieux communs, il goûtait des joies de fin gourmet. Ses jouissances étaient infinies, encore d'ailleurs que, tout intime et qu'à peine un soupçon de sourire les trahit, moins qu'un soupçon, une ombre, une idée, un rien, on eût su dire quoi au juste de tendrement voluptueux endormi en ses coins de lèvres. Autant l'arrié lui pesait aux épaules, autant par contre il prisait Chavarax, avec lequel des heures entières il discutait de jurisprudence, le derrière présenté aux bûches de la cheminée entre les pans écartés de sa redingote. L'érudition de son employé le comblait d'aise, son ardeur à préconiser la sagesse du Conseil d'État, l'impeccabilité de la Cour de cassation. Et pourtant, il n'était pas fâché de jouer un peu lui-même à l'indispensable en présentant au directeur les rédactions de Chavarax parsemées de larges traits d'encre et de rectifications en marge. Deux coups. Entrez ! C'était Ovid. Il tenait une lettre à la main et, sans mot dire, ce sage savait le prix des paroles, il va l'attendre au destinataire à bout de bras. « De qui donc ? » fit M. de la Hourmerie. « De M. Bourdon, il y a une réponse. » « Voyons cela. » L'enveloppe indiquait « pressé et rigoureusement personnel ». Il se hâta de décacheter. Voici ce que contenait le message. « Direction générale des dons et legs, bureau du matériel, Paris le... » « Monsieur et chers collègues, j'ai l'honneur de vous faire savoir que dans la journée d'hier, votre employé, M. Letondu, a de son pied lancé avec violence, fendu la porte de son bureau, faisant voler en éclats du même coup la large vitre dépolie qui formait la partie supérieure de cette porte. En outre, M. Letondu, dont l'état d'esprit anormal paraît loin de s'améliorer, manifeste depuis quelque temps une prédilection marquée pour les exercices du corps. Il a apporté des fleurets et durant des heures entières, il boutonne les murs de sa pièce dont le papier n'est plus que logs et lambeaux. Il fait également des haltères, sorte de poids à deux têtes qu'il lève à la force des bras, puis laisse retomber bruyamment sur le sol au grand effroi de M. Guittard, commis d'ordre, logé exactement au-dessous, ainsi que vous n'en ignorez pas. Ces choses compliquées des marches, contre-marches, appels de pied et autres évolutions inhérentes à l'art de gratte-chair ont été d'un fâcheux effet pour le plancher de votre subordonné. Les lattes ébranlées se disjoignent et se désagrègent de toutes parts. En même temps, par contre-coup, le plafond de M. Guitard s'écaille, se lézarde, s'entr'ouvre, s'écroule peu à peu en un mot sur la tête de ce fonctionnaire. La céruse lui en pleut dans les cheveux, m'a-t-il dit, sous l'aspect de bris de coquille. Des travaux de réparation sont donc devenus indispensables et je compte y faire procéder dans le délai le plus rapide. Quoique le devis établi s'élève à la somme relativement considérable de 137 francs 45 centimes. Permettez-moi de vous faire remarquer, cependant, que je ne saurais faire face à cette sortie de fonds sans quelque scrupule de conscience et que j'ai longuement hésité si je ne rien référais pas à l'autorité directoriale de ce cas tout particulier. Un sentiment de solidarité, de bonne camaraderie que vous apprécierez sans doute, m'a décidé à ne rien faire, mais vous penserez avec moi que, dans l'esprit du législateur, le budget du matériel n'a pas eu pour but de parer aux extravagances d'un énergumène. Or, monsieur Letondu est fou. Le fait n'est plus à discuter. Hanté de cette monomanie régénération de l'homme par la gymnastique, il ne monte plus les escaliers de la direction et n'en parcourt plus les couloirs qu'en criant « une, deux » à tue-tête. Sous prétexte de développer ses pectoraux et de faciliter leur jeu, ce qui est une cause incessante de désordre. J'ajoute qu'il devient inquiétant que, journellement, en son bureau, il mêle à ses divagations les noms de ses supérieurs hiérarchiques et qu'après avoir, hier soir chez moi, signé d'une main fiévreuse la feuille d'émargement, il m'a presque jeté au visage à la plume dont il venait de se servir, faisant suivre cette voie de fait de cette déclaration incompréhensible. « Je tremble, monsieur Bourdon, je tremble, mais ce n'est pas de peur, c'est d'indignation. Cette situation, monsieur et chers collègues, ne saurait subsister sans de graves inconvénients. Des intérêts moraux et pécuniaires en souffrent, et il y a lieu d'y mettre fin, soit en faisant donner à monsieur Letondu un congé pour raison de santé, soit en sollicitant du Conseil d'État sa mise à la retraite proportionnelle. Vous n'hésiterez pas, j'en demeure convaincu, à agir au plus tôt dans ce sens. Pour moi, je suis déterminé à sauvegarder désormais la lourde responsabilité qui m'incombe et les fonds confiés à mes soins, fonds assez modiques, que vous le savez, et que certains services, où je ne songe à attaquer ici les prodigalités de qui que ce soit en particulier, ne grève déjà qu'avec trop de sans-gêne. J'ai l'honneur de vous saluer, Égésippe Bourdon. » De la Hourmerie avait l'agacement facile. Il eut un geste impatienté. « Oh, lui dire à M. Bourdon qu'il m'embête !» Mais, comme Ovid répondait « Bien, monsieur !» et partait faire la commission, il l'arrêta. « Non, attendez !» En amenant à soi une feuille de papier en tête administratif, il y jeta ses lignes de sa large écriture. Le chef du bureau des lairs remercie son collègue du matériel de sa communication. Il étudiera la question avec tous les soins qu'elle comporte et prendra telle mesure qu'il jugera utile. Salutations de la Hourmerie. Portez cela. Resté seul, il s'affala en son fauteuil, fixant de biais sans voir par-dessus son pince-nez la débandade de chemises officielles éparpillées parmi sa table de travail, d'un bleu sombre où s'enlevait en noir lithographie ses mentions indicatrices, signature de monsieur le ministre, signature de monsieur le sous-secrétaire d'État, signature de monsieur le directeur général, conseil d'État, présidence. Il marmotta, fou parbleu, comme si elle ne le savait pas. Il le savait si bien que quelques jours avant, il avait eu, à ce sujet, une longue conférence avec le directeur et que celui-ci s'était nettement retranché derrière l'impossibilité d'agir. Le directeur, en effet, M. Nègre, était d'un de ces lâcheurs aimables desquels il n'y a plus à redouter qu'à attendre. Tout jeune, d'une beauté robuste que poudrait un frimat précoce, il apportait dans sa mission le prestige de sa distinction exquise et le scepticisme souriant d'un augure de la décadence. Son rare talent d'orateur enveloppait comme une caresse le rendant précieux, presque indispensable en cette maison de la rue Vanneau où il tenait lieu d'argumentation, le bel art de faire espérer plus de beurre que de pain. Et le fait est qu'on n'eût pas trouvé son pareil pour gargariser le personnel du miel calmant de discours aussi onctueux de bonne grâce que dépourvu de bonne foi. Sa parfaite incapacité et sa science du mot sonore assuraient ses hautes destinées. En attendant qu'elles s'accomplissent, le tendu, lui, faisait des siennes. Il bouleversait la direction de ses excentricités, après en avoir réjoui, et Bourdon, en le signalant comme inquiétant, trahissait une façon de voir devenue peu à peu générale. Mon Dieu, ce n'était pas encore de l'épouvante, mais tout de même, on commençait à s'émouvoir, à le saluer étrangement bas quand on le croisait dans l'escalier. Tel qui naguère rendait bien juste son coup de chapeau à ce pauvre diable humble et propre, pénétré de sa petitesse, le comblait de sourires à présent, sourires d'autant plus épanouis et larges que s'assombrissait davantage le front concave de Letondu où les rides couraient encore de contrebasse. Et cette recrudescence d'amabilité était l'indice d'une anxiété non douteuse. La plume aux dents, les yeux promenés de gauche à droite, le chef du bureau s'était remis à la besogne, mais sa pensée hantée désormais le servait mal. Visiblement, la lettre de Bourdon lui avait tourné les sangs, tombé dans sa béatitude à la façon d'un billet de faire part dans l'entrain qu'il glace d'un solo d'une joyeuse fin de dîner. Ça avait été le brutal rappel à de fâcheuses préoccupations momentanément écartées. Il se surprit à tourner une page sans avoir conservé le souvenir d'en avoir lu une seule ligne. Et à cette preuve criante du trouble qui l'agitait, il ne put retenir un claquement de langue. Violemment, il sonna Ovid qui parut. Ovid, quand il s'apprêtait à recevoir une communication, ouvrait une bouche de boîte aux lettres. À la question posée par M. de la Hourmerie avec un calme bien fin, « Est-ce que M. Letondu est parti ?» Il eut de la tête un léger recul étonné. « Monsieur Letondu, oh, ben oui, je m'étonne s'il s'en va jamais avant 10 heures. »« Du soir ?» s'exclama M. de la Hourmerie. « Bien sûr, du soir. » Le garçon du bureau ricana, amusé de la figure du chef qu'abrutissait cette révélation. Et il conta la belle histoire arrivée à Boudin, le concierge, quelques jours auparavant. Celui-ci, las d'avoir attendu vainement jusqu'à plus de 9h30 le départ de Letondu, inquiet naturellement et pressé de se mettre au lit, avait fini par monter voir en personne une bougie au fond d'un cornet de papier. Doucement, il avait entrebâillé la porte et passé le haut de la tête en déclarant d'une voix à la fois suave et ferme « Faut s'en aller, monsieur Letondu, les bureaux ferment à 4 heures. » Letondu, qui, seul dans la nuit, effrayante et inexplicable, était debout sur sa cheminée, était alors descendu de son perchoir. Et il s'était avancé vers la porte, à ce point suave lui-même, par ses yeux en boule de loto et le grimacement contorsionné de sa bouche, que le prudent Boudin avait regardé sa loge « in summa diligentia ». Depuis ce temps, il laissait Letondu à son ombre et à son mystère, se couchait à 8h moins le quart et pressait la poire à air, quand l'employé, au milieu de la nuit, demandait « Cordon, s'il vous plaît !»« Par exemple, celle-là, elle est raide !» fit M. de la Hourmerie, après la minute de silence de l'homme qui a pris son temps et digéré savamment sa stupeur. La gifle à plat dont il cingla les moulures maculées d'encre de sa table le mit debout tout d'une pièce. « Non, ouais, elle est trop forte, il faut que j'aille voir !» Ovid, ravi de son effet, gardait le rire muet des caïmans, et d'une bourrade, le chef l'écarta et sortit, tourmenté à son tour de cette même curiosité angoissée qui avait déjà travaillé l'âme pusillanime du concierge. Le long du corridor cul-de-sac qui conduisait au cabinet de Letondu, il s'aventura discrètement, les doigts au mur, pestant contre ses souliers qui pépillaient à ses pieds comme de petits oiseaux. À cette heure, la tombée du soir emplissait de doutes les trois boyaux, le prolongeait interminablement, pareil à un tunnel sans fin. une succession de pâleurs imprécises, imprécisées et apâlies de plus en plus, marquaient des portes ouvertes sur le vide des bureaux où traînait un restant de lumière. Il fit deux pas et s'arrêta. De là-bas, tout là-bas, comme du fond d'un puits, la voix montait de Letondu, pardi à pérorer tout seul et discourant, touchant les turpitudes humaines. D'abord hésitante, vagabonde, sa folie chaque jour grandissante s'était venue, enfin et définitivement, fixée en un chaos d'âpre misanthropie qu'une admiration désordonnée de l'Antiquité compliquait sans que l'on sût pourquoi. Tant qu'il sentait autour de soi le grouillement vivant de ses collègues, ça allait encore à peu près, il se contenait, roulait simplement des yeux de fauve et étouffait entre ses dents des grondements de rage lointains. Mais, sitôt seul, tout éclatait. C'était le brusque débordement d'un liquide laissé trop longtemps sur le feu. C'est ainsi que M. de la Hourmerie l'entendit pousser l'un sur l'autre plusieurs « pouah » significatifs et essuyer bruyamment de sa botte les crachats semés par le plancher en signe de dégoûtation. « Pouah, pouah, pouah, ah, cochonnerie !» Dans les échos de cette solitude, la voix du fou prenait d'étranges sonorités. Ce fut d'un ton de prêtre en chair qu'il poursuivit, disant que les temps étaient proches, que des événements immenses se préparaient, car à la fin c'était l'invasion de la Fange, et il importait que les armes vraiment grandes en vinssent à réalisation de leurs généreux desseins. Et il exposa « Je me rendrai à la Chambre des députés, portant le fer sous le feuillage, comme Harmodios et Aristogiton. Je monterai à la tribune, et là, en présence d'un peuple innombrable, venu des quatre coins du globe, pour m'acclamer, je dirai. » Il s'interrompit. Un temps interminable préluda à ce qui allait suivre. Puis les syllabes détachées, présentées une à une ainsi que des oracles, je dirai des choses formidables qui étonneront les plus sceptiques et glaceront le cœur des plus braves d'une indicible épouvante. « Hein ?» souffla l'oreille de M. de la Hourmerie Ovide, qu'il était venu retrouver en silence. Il triomphait. À cet homme de sens pondéré et rassis, le détraquement cérébral de Letondu apparaissait prodigieusement farce et cocasse. Il étouffa dans le creux de sa main un rire qui s'y acheva en foirade, car le chef d'un geste bref venait de lui imposer silence. « Mais chut, écoutez !»« Que d'hommes, je dis, en cette maison !» déclamait maintenant Letondu avec une majesté imposante. « Que d'hommes, justement accusés de servilité et de bassesse, seraient ici soupçonnés du contraire ?» Si ce contraire n'était encore un moyen détourné, qu'il les signale. » Ici ce fut le bruit d'une chaise qu'on empoignait au dossier, brutalement replantée ensuite sur le sol. Qu'il les signale à la réprobation générale. Il dit et de nouveau se tut. Les deux hommes écoutaient toujours, dans l'attente anxieuse de ce qui se préparait. Salut aux gens de bien, reprit enfin le fou, dont on devinait le large mouvement emphatique, distributeur de justes palmes. Salut aux âmes irréprochables, salut aux cœurs purs, dignes de ce nom, salut aux consciences d'élite, aux honnêtes gens de tous les temps, passés, présents et à venir, j'entre et je dis, je vous salue, messieurs. Mais honte à cela, misérable et vil troupeau de brutes, que guide la seule flétrissure de leur néfaste réciprocité à travers une vie inutile, semée en apparence des plus nobles attributs de la vertu, en réalité du fumier, de la duplicité, de la déloyauté et de la perfidie. Mais qu'est-ce que veut dire tout ça ? Implora de soi-même le désolé de la Hourmerie. Mais qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire, Seigneur ? Et grave, il murmura, « Oh ! Cela finira mal. » Et ce seul mot, éloquemment ponctué d'un de ces hochements de tête qui n'ont pas confiance, le confessa malgré lui, ouvrit une échappée béante à l'essaim tumultueux et secret de ses inquiétudes. Le tendu ne soufflait plus mot, immobile à présent, sans doute, et regardant tourbillonner autour de soi les ondes mourantes du crépuscule. Soudain, il se réveilla, et d'une voix qui sonna un appel strident de trompette, « Une enquête » cria-t-il, « une enquête ! Ah, la révélation des monstrueuses turpitudes qui souillent les dessous de cette maison porte au salut de la chose publique. Des faits et des noms, oui, des noms, plus encore peut-être, ou au moins, qu'importe, jetés comme autant de soufflets à la face rougissante de honte d'un univers à jamais consterné, voilà ce qu'il faut. Oh, les cœurs, oh, les âmes, à moi, les hommes de bonne volonté et de généreuse initiative, une enquête, une enquête, une enquête !» Et comme dans un flot de rauques aboiements, le tendu vouait tout à coup à l'exécration des humains cette ignoble laourmerie. Le chef de bureau, bouleversé, frappé d'un coup de pied au creux de l'estomac, n'hésita plus. Alors, il faut en finir. Un instant après, il pénétrait chez le directeur. Là, c'était comme un bain de pénombre, doux et tiède, avec seulement au loin la tache éblouissante de la table directoriale qu'une lampe au bedon hydropique inondait d'un flot de clarté. Une garniture empire aux cuivreries piquées d'étoiles chargeait une cheminée de marbre dont les deux montants parallèles empiétaient sur le sol en griffes contractées, tandis qu'un buste de Solon, juché sur la corniche d'une bibliothèque, mirait dans le cadre d'une glace ses épaules nues, son front de penseur et l'insondable idiotie de ses yeux vides. Les vagues rougeurs de lourds et funèbres rideaux tirés devant les fenêtres masquaient les jardins de l'hôtel Prat en bordure sur la rue Vanneau de l'autre côté de la chaussée. La main tendue, de loin grande ouverte, à monsieur de la Hourmerie qui se pressait, confus le temps de bonne grâce. « Hé, bonjour, homme de tous les zèles et de toutes les activités !» cria joyeusement monsieur Nègre. « Dernier rempart des saines traditions, prenez une chaise et vous mettez là, fumez-vous !» En même temps, il lui présentait une boîte pleine à demi de fines cigarettes orientales. « Non, pardon, j'oubliais que vous êtes sans vice, cher ami !» Lui-même pêcha une cigarette, l'ayant allumée au fil de la lampe. « Et à quoi dois-je, à cette heure inopinée, l'avantage de votre visite ?» Il avait pris ce qu'en style de vaudeville on nomme une position commode pour entendre, renversé dans le dos d'acajou de son fauteuil et le genou haut enfermé dans les mains. L'insensible nuancée d'un dessous d'aile d'un rat monté de l'abat-jour fanfreluché et rose enluminait ses joues, lasse un peu de viveur chic. Au revers de sa redingote, la rosette d'officier de la Légion d'honneur mettait une gouttelette de sang et vraiment, il était charmant à voir ainsi, chassant par les naseaux un double jet de fumée, sentant bon le modernisme aimable et ce je m'en balobitisme, bon diable, auquel on tente événement d'en vouloir sans jamais en trouver le courage. Il souriait, d'ores et déjà conquis et prêt à tout ce qu'on voudra, pourvu qu'on n'attente point à sa tranquillité. Mais le chef de bureau n'eut pas ouvert la bouche et lâché le nom de Letondu qu'il sursauta. « Oh, monsieur Letondu, encore monsieur Letondu, mais ma parole, on ne parle plus que de monsieur Letondu ici. À la fin, me laissera-t-on tranquille avec monsieur Letondu ? J'ai déjà exposé que je ne pouvais rien, rien, entendez-vous, rien, rien, rien. » Et puis d'abord, je n'admets pas qu'on se permette de venir me raser à des heures non réglementaires. De 2 à 4, tant qu'on voudra, mais passer 4 heures, je proteste, ça deviendrait de l'arbitraire aussi. Oh, ce Letondu ! Dans ce haut et éructé du fin fond de la gorge, un monde de haine tenait. La rage justement exaltée du monsieur qui a fait l'impossible et au-delà pour être agréable à tout le monde, qui a semé sans compter l'or des bonnes paroles et des sourires pleins de promesses, qui enfin aurait bien gagné d'avoir la paix et dont une brute malfaisante s'en vient troubler la bonne petite existence réglée au mieux de l'intérêt général. Pourtant, il sentit qu'il avait été un peu loin. Il se mit à rire, et pour le forcer à se rasseoir, fit doucement violence à monsieur de la Hourmerie, lequel se levait, l'air pincé. « Voyons, mon cher, vous n'allez pas vous fâcher, j'espère bien. » Il reconnut qu'il s'était emballé, et très gentiment, il en demanda pardon, expliquant qu'il était bien excusable de perdre quelquefois patience, tant son personnel l'assommait de ses perpétuelles réclamations. Il dit sa vie alors, sa triste vie, tué en partie à écouter des plaintes. Il dépeignit l'ininterrompu défilé des lésés, des mécontents, leurs attitudes découragées, leurs figures navrées et navrantes. Une procession, je vous dis, une véritable procession. À celui-ci de qui la femme venait d'accoucher, c'était un secours qu'il fallait. À celui-là, une augmentation de 300 francs. À saint homme, les palmes. À cet autre, oh, que sais-je, jusqu'à Van der Hogen, bon Dieu, qui s'était mis à miauler avec les chacals lui aussi, et à venir épancher dans le giron suprême ces amertumes d'hommes supérieurs dont on méconnaît les services. Services de Van der Hogen. Quand il en vint à la Chavarax, les yeux lui jaillirent de la tête. « Mon cher, c'est fantastique! Doué d'un de ces toupets démontants que rien ne saurait désarmer, ni les bienfaits tombant en pluie, ni les coups de pied lancés dans le derrière par centaines, Chavarax m'extirpa un jour la promesse d'une place de sous-chef pour une époque indéterminée. Cette promesse, je parle ici à un homme vieilli dans le sérail, et qui sait à quel faux fuyant oblige parfois la terrible lutte pour la paix. L'homme vieilli dans le sérail eut un fin sourire édifié. Le directeur continua, je la fis avec l'intention sous-entendue de la tenir le jour où j'en aurai le temps. En vue surtout d'avoir le repos, de faire taire enfin lamento odieux, sempiternellement marmotté et larvoyé à mon oreille. Fatale imprudence. Depuis lors, et je vous parle de 2 ans, Chavarax s'est érigé en cauchemar de mon existence. Armé du pseudo-engagement arraché de force à ma faiblesse, il s'en est ainsi que d'un tromblon, et il en braque sur moi, sans trêve, la large gueule menaçante. Je suis là, assis à cette table, heureux et calme, goûtant la tendresse de l'avril revenu, encore une fois. Et la porte s'ouvre. Chavarax paraît horreur. Il s'avance sur moi la main ouverte, avec un infernal sans-gêne auquel il faut bien que je sourie, ne l'osant châtier à coups de botte. Il s'affale en un fauteuil, il roule sa cigarette, l'allume, et du même ton, semblant joué et respectueux, dont il dirait « Je viens chercher les ordres », il dit « Oh, je viens chercher ma place ». Sa place. Cette place que je lui ai promise en une minute à jamais exécrée d'aberration et de démence. Cette place que je n'ai pas et que n'ayant pas, je ne peux pourtant pas inventer, nom de Dieu. Enfin, j'essaie des calmants, je répète. Patience, patience, l'avenir, monsieur Chavarax, est à ceux qui savent attendre. La direction des dons est léguée. Le personnel limité, les mutations y sont rares. Patientez, et laissez-moi faire. Chavarax est impitoyable, une bouche de marbre me parle par sa bouche. Au mot patience, oh, il a élevé vers le ciel des yeux voilés de fausses larmes. Ayant jeté sa cigarette aux cendres tièdes de mon âtre, il s'écrie « C'en est trop, oh noire ingratitude, oh inhospitalière maison à laquelle j'ai tout sacrifié !» Et là-dessus, c'est l'énuméré des inappréciables avantages auxquels il a renoncé par amitié pour moi et attachement à nos libérales institutions. 1 000 000 de dots, 40 000 francs en Égypte, 80 000 au Labrador. Le gouvernement du Tonkin, du Cambodge et de la Cochinchine, la royauté d'une peuplade nègre, ce que je sais. Confondu, j'offre timidement une augmentation de 100 francs à titre de compensation. Il accepte. En attendant, dit-il. Et il attend. Il attend 1 mois et puis il revient. Ma place. Et ça recommence. et je relâche 100 francs, et il réempoche les 100 francs avec un sourire de victime de qui le cœur est un abîme d'indulgence. Et en voilà pour un autre mois. Oh, le monstre, en sorte que j'en suis venu à ne plus oser mettre un pied en cette pièce, crainte d'y rencontrer Chavarax. Je vis dans la terreur incessante de cet homme, comme vit un épileptique dans la terreur incessante d'une attaque. Sa conclusion fut un tout quoique, triste et doux. Et vous, la Hourmerie aussi, vous à qui je n'ai jamais rien fait, voilà maintenant que vous vous mettez au nombre de mes ennemis et que vous venez me persécuter avec M. Letondu. Mais il est fou, clama M. la Hourmerie, dont les mains retombèrent éperdues sur les cuisses. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Reprit M. Nègre. Suis-je médecin aliéniste et puis-je le guérir ? Non. Suis-je son parent et puis-je à ce titre provoquer son internement dans une maison de santé ? Ben non. Alors j'en reviens à ma question. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Accoucher, si vous avez trouvé un joint, allez-y. J'y souscris d'avance. Oh, je suis pas entêté, moi. Il avait pris une nouvelle cigarette qu'il allumait à la première. Car enfin, vous ne supposez pas que je vais rétorquer ce malheureux et le jeter à la rue comme une coquille d'huître. Non, sans doute, fit la Hourmerie, dont le taf extraordinaire s'était pourtant leurré de cet espoir et qui perfidement insinua peut-être une mise à la retraite anticipée, proportionnée aux années de service. Mais le directeur de la main balaya cette proposition. Sec et précis comme une règle de trois, il déclara « Non, bon ami, non, non. Vous dites là un enfantillage. Il n'y a, entendez-moi bien, mise à la retraite proportionnelle qu'autant qu'il y a eu infirmité contractée dans le service et dans l'intérêt de ce service. La jurisprudence administrative est formelle à cet égard. Si je le saisissais d'une demande de mise à la retraite en faveur de M. Letondu, le Conseil d'État m'enverrait coucher, et ça ferait pas un pli. » Il se leva, ayant jeté de biais un coup d'œil sur la pendule, et tressaillit malgré lui à l'avoir indiqué la demie de 6 heures. « Oh, diable, 6h30 !» C'était ce soir-là, aux Folies, la 100e du Roi Mignon, opérée de bouffe, en 3 actes à laquelle il avait collaboré anonymement. D'où souper et aussi couplet, auquel il lui fallait mettre la dernière main, et qu'il se proposait de chanter au dessert sur l'air « J'avais jadis un caniche à poil ras ». Il redoubla d'amabilité, abattit sur l'épaule du chef de bureau, qui murmurait point convaincu « C'est égal, ça finira mal », de légères tapes rassurantes. « Ben, soyez donc tranquille, mon vieux, avez-vous peur d'être égorgé ?» Il riait. Et il lâcha ce mot à la Louis XV. « Farceur, mais est-ce que tout cela ne durera pas autant que nous ?»